firmament de pluie d'étoiles. Avec dans les yeux inondés les sanglots longs des amygdales. Toujours le verre à moitié vide, je balance un pied dans le vide. Et quand il est à moitié plein, à moitié deux, je ne crains rien. J'ai eu souvent des tas d'idées que je finis par oublier. Et tous les matins sont pareils, pareils au même à mon éveil. Toujours le verre à moitié vide, je balance un pied dans le vide. Il est à moitié plein, à moitié deux, je ne crains rien, je ne crains rien. Si je vis et je bannis, je jouis, je...